Je me suis posé des questions sur cette fille que je viens de rencontrer. On dit d'elle qu'elle est sortie tout droit d'un film. J'arrive pas à l'oublier. À chaque fois que je veux l'approcher, elle fuit. Elle part sans se retourner. Je la vois jamais en journée, seulement la nuit. Ça commence à m'intriguer. Elle m'a laissé une trace dans le cœur, tout comme Voldemort. On ne dit pas son nom, elle disparaît, tout comme Voldemort. Et quand j'y repense, elle envahit mes pensées. Et quand j'y repense, je ne peux plus m'en passer. Elle se balade en ville, quand je la vois, je suis figé. Elle sort que la nuit, personne ne sait où la trouver. Son nom, elle disparaît, tout comme Voldemort. Enchanté señora, appelle-moi de bras ou bien comme tu le voudras. Tu sais que t'es belle et pourtant tu n'en joues pas. Réponds-moi, ne me laisse pas comme ça. Je crois que je suis perdu, je vois rien dans ce brouillard. J'essaie d'observer tes formes, je n'y arrive pas. Tu m'as toujours pas dit ton nom, c'est bizarre. Les minutes avancent, aucun son de ta voix. Elle se balade en ville, quand je la vois, je suis figé. Elle sort que la nuit, personne ne sait où la trouver. Je te jure qu'on m'a pas mal.